Encore du goudron en plus dans les poumons. J'ai mal comme quand tu t'abaisses et qu'elle dit non. Pas de nouvelle connaissance, j'ai dit je suis déçu. J'fais une croix dessus comme Pilate avec Jésus. Ça touche à un taux élevé de pénétration. J'ai voté blanc l'art de la verbalisation. Tu parles beaucoup mais dis rien d'intéressant. Des discussions stériles un peu comme ta chatte. C'est pas de négro fragile dans mes fréquentations. Peut-être qu'il y en a mais faut pas que je le sache. J'vais niquer sa race et sa réputation. Coup de feu, le cœur s'arrête dans le feu de l'action. Odeur et bruit du canon scié sur la tempe. Bang bang, oh là là. Ouais ouais ouais, j'ai rien fait, tout était déjà noir autour de moi. J'ai fait des choses, je suis bien payé, l'état prend beaucoup trop, donc prochain je vais pas déclarer. Oui j'ai une go que j'ai enfanté, il parlait beaucoup trop, mais pourtant on n'est pas séparés. Rappeur de merde au succès précaire, lâche des piques et en font leur loisir. Savent pas que le game se va niquer leur mère, ça va finir un an, c'était pas ce que je voulais dire. Je vais dire au revoir à Dieu en même temps. Souvenir d'un soir à deux sur l'écran. Fuck vif d'espoir comme nègre des champs. Une petite trottoir pour me partir le blanc. Le corps et l'esprit ne sont pas connectés. Me demande qui je suis souvent quand je me vois. La bonne gâterie s'achète plus des pieds. Fais semblant de jouer en se mettant des doigts. Fais-moi un vie. Ici c'est le jour à la nuit. Mais je suis toujours dans le taxon malgré tous mes ennemis. Vas-y ramène-nous de la bœuf. Pour plus jusqu'à ne plus être là. On dit qu'ailleurs l'herbe n'est pas meilleure. Sauf pour joindre Pays-Bas. Dis-moi pourquoi tant de questions que je me pose. Pourquoi m'a-t-on jamais fait l'heure juste envoyé sur les roses. Vas-y fais-moi bien. Ici c'est le jour et la nuit. Mais je suis toujours dans le texte malgré tous mes ennemis. Fais-moi bien.